Bonjour, Kitty Pond. C'est Alan Origo. Oui, Monsieur Allen. Comment les affaires? All right. Je racontais un ordre de mort. All right. Quand j'étais à Guantanamo, les affaires avaient quoi dedans? Je faisais du conti coconut et j'envoyais mes petites soeurs à la maison. Il était bon. 6 coconuts, 10 litres de sucre, 8 vanilla tablets, 4 cannes de pet milk et 2 litres de beurre. Là, je faisais un grand plateau et je n'aurais pas quelques boîtes pour envoyer mes soeurs, mais non, je les donnais à mes amis. Uh-huh. Et ça aimait beaucoup ce qu'on dit. On appelait ça du jungle candy. Jungle candy. Le coconut, le coup, c'est pas méchant. Comment tu dis coconut en français? Oh, là, je connais pas. There's a word for it, huh? On devrait connaître ça, Mr. Allen. Ouais. We're gonna find out in our book. So that's the recipe for that jungle candy, Mr. Allen? Je le mettais dans un grand plateau, puis là, je prenais ma baïonnette et je coupais les squares. Wow. And you use your bayonet to cut the squares in the candy? Yeah. Wow. Ça la garde brillante comme ça.